Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant de Pierre-Alexandre Bédard qui est actuellement en tournoi. Hier, il a joué sa première ronde chez les professionnels et il a joué 72. Il se retrouve actuellement en 61e place sur 150 golfeurs. Ça se poursuit aujourd'hui à Victoriaville. C'était le début du tournoi des recrues hier sur la glace du centre Georges Vézinan. Et les recrues des Saguenay de Chicoutimi l'ont emporté 6-5 contre l'Océanique de Rimouski. Fait à noter dans le match la bonne performance de Mathieu Desgagnés qui a réussi un truc du chapeau dans la victoire. Et dans l'autre match, malgré une belle remontée, notre record de Bécamo s'est décliné 7-6 contre les Remparts de Québec. Ce soir, les Saguenay vont jouer contre les Espoirs du record de Bécamo à 19h30. Maintenant, c'était le début hier de la grande finale de la Ligue de balle donnée à Robertval hier. On a joué un programme double. Et dans le premier match, victoire du RD Trophée 17-10 contre le Zodiac. Et dans la deuxième rencontre, le Zodiac l'a emporté 14-10 contre le RD Trophée. Donc la série se poursuit mardi soir à Robertval. Et au tennis, on sait qu'il y a une belle petite formule de tournoi de tennis qui se déroule actuellement au Centre civique du secteur de Dolbeau. Et on a calqué sur la Coupe Davis. Donc, c'est le Canada contre l'Espagne. Donc, à noter que Samuel Bilodeau a battu Claude Voyer par la marque de 12-7, ce qui a procuré une victoire de l'Espagne 30-29. Maintenant, Grande-Bretagne contre les Américains. Marc-André Panot a battu Francis Bouliane 10-9. Également, victoire de Dave Bélanger qui a défait Harold Gagnon 13-5. La match pour la médaille de bronze aura lieu aujourd'hui pour la troisième place entre l'Espagne et le Canada. La grande finale aura lieu quelque part la semaine prochaine. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Bernard Barré où on fait le point sur un petit peu les rumeurs de corruption qui vient attacher le tournoi de boxe olympique. Également, je me suis entretenu avec le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.